l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. J'ai fait tellement d'entretiens racontés par des juifs eux-mêmes que je me suis rendu compte, souvent dans leurs propos, des micro-actes de solidarité qu'ils n'ont jamais oubliés ont pu avoir un rôle dans leur survie. Jacques Semelin. C'est ce que j'ai appelé dans mon travail des petits gestes qui, à un moment donné, vont parfois décider du sort réservé aux juifs. Alors, ça peut être le pharmacien d'Albi, ça peut être un gendarme au moment de cette rafle du Veldiv, et c'est à Toulouse, Arlette Scali, qui a raconté ses mémoires à la fin de sa vie. C'est au moment du déjeuner, elle est avec ses deux enfants et sa nurse à l'époque, pour prendre un maigre repas, et puis voilà qu'elle a envie d'aller aux toilettes, et c'est en sous-sol. Donc elle descend, elle entend tout d'un coup un vacarme au-dessus d'elle, donc dans la salle principale, des tables qui sont renversées, des cris, etc. Et puis il y a quelqu'un qui frappe à la porte, qui lui dit « Surtout ne bougez pas, c'est une rafle ». Ça a duré 10, 15 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. Et puis cette même personne, on suppose que c'est la même personne, elle frappe à la porte, elle dit « Bon, c'est fini, c'est parti, vous pouvez sortir ». Et ça l'a sauvée. La rafle du Veldiv, quatrième épisode, les gestes qui les ont sauvés. Alain Lefkovitch, Séverine Cassard. Je me rappelle quand j'ai eu... Mon père avait été déporté, quand on a porté les étoiles, de la rue Notre-Dame de Nazareth, je me suis mis devant deux Allemands, devant les magasins Félix Potin. C'était des Allemands, c'était marqué police militaire, Feldgendarmerie, avec une plaque. Et il y avait au moins 200 personnes qui regardaient comment l'Allemand me demandait les papiers. Simon Drucker, en 2004. J'ai montré mes papiers, il a dit « Quand on n'est pas juif, on ne met pas des... » Parce qu'il n'a pas voulu nous arrêter, parce qu'il y avait 200 personnes qui, eux, me tapaient dans le dos en me félicitant. Donc les gens, il y avait quelque chose de la part du peuple qui disait... Il y avait même des étudiants qui avaient mis aussi « juif » ou « swing » ou leur nom. Ou autre chose, ils se sont fait arrêter. Il y en a qu'on a libérés, mais d'autres, quelques-uns qu'on a mis en prison. Et ça, c'était en juin 1942. Il y a eu de l'aide après la rafle du Veldiv, quand ils se sont rendus compte de ce qui se passait, ne sachant pas ce qu'allait arriver, mais voyant la brutalité des policiers, certains se sont dit, il faut faire quelque chose. Rachel Yedinak, rescapée de la rafle. Puisque c'est en France qu'on a le moins déporté. Il faut le dire, moi j'ai été particulièrement très touchée dans ma famille, mais en Pologne, presque 3,5 millions de juifs vivaient là, 3,5 millions, presque tous ont disparu dans la tourmente. En Belgique, 50% des juifs ont été exterminés. En Hollande, 80 et quelques pourcents. En France, 25%. Et je pense que c'est justement parce qu'il y a eu de l'aide de la population française. Les Allemands avaient pourtant été clairs. 22 000 juifs devaient être arrêtés lors de cette rafle des 16 et 17 juillet 1942. Pourtant, près de 10 000 manquèrent à l'appel. Et si un faisceau de facteurs explique que 75% des Juifs de France survécurent en effet au cataclysme organisé par Vichy, deux choses sont désormais indiscutables. En France, tout le monde n'a pas été juste. Et non, Pétain n'a pas sauvé les Juifs. Une véritable énigme à la française. Cette énigme, elle consiste à constater que la France est militairement occupée à partir de novembre 1942 sur tout son territoire métropolitain, qu'il y a un gouvernement de Vichy qui collabore avec l'occupant, et qu'en dépit de cela, les trois quarts des Juifs de France n'ont pas été déportés. Jacques Semelin, historien, co-auteur avec Laurent Larcher de « Une énigme française ». Alors, tout le problème de cette question, qui est une question empoisonnée, comme l'avait dit Jean-Louis Crémieux-Briac, c'est qu'il ne faut jamais oublier tous ceux qui sont morts. Donc, jamais oublier les morts, jamais oublier le processus de destruction durant cette période, mais essayer de penser la figure du juif non déporté. Et donc, moi, dans toute mon enquête, c'est ça que j'ai cherché à comprendre. Comment il a fait? Comment ça a été possible? Vous voyez, ils sont exclus de leur profession, etc. Bon, ben comment ils bouffent, quoi? Comment ils se débrouillent, quoi? Comment ils peuvent vivre? Est-ce qu'ils vont bouger? Pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les enfants, etc. Donc c'est en me posant ainsi des questions concrètes que j'ai voulu comprendre l'itinéraire de galère de ces juifs non déportés, de mettre en lumière, en fin de compte, leur persécution. De façon complexe, nuancée, en jouant sur les juifs français, les juifs étrangers, etc. Et puis quand on regarde finalement l'histoire de ces familles de juifs non déportés, ben, il y en a qui ont été pris. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des morts, il y a un oncle, il y a une tante, il y a une sœur, etc. Donc c'est ces complexités que j'essaye de mettre en avant. Ma mère et moi avons échappé à cette rafle gigantesque. Françoise Mandelbaum. Ma maman savait qu'il allait nous arriver quelque chose. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour trouver comment me cacher. Elle ne voulait pas que je sois prise comme l'ont été mes deux cousins germains, Victor 6 ans, Michel 12 ans. J'ai des photos d'eux à vous montrer. Les splendeurs. Là, c'est Michel. Et ça, c'est Victor. Je ne les ai jamais revus. Et ça, c'est leur maman, ma tante préférée. Donc, ils ont été arrêtés chez eux. Le même jour où ma maman et moi, nous y avons échappé. Alors, j'habitais au 73 rue des Amandiers, dans le 20e. C'est une rue qui va de Père-Lachaise à la rue de Ménilmontant. Et le 16 juillet, je suis dans une famille, déjà. Je ne suis plus avec ma maman. J'ai 7 ans et 4 mois. Je suis cachée depuis le mois de février-mars dans une famille, mais pas n'importe laquelle. Monsieur et Madame Perrin avaient un pavillon dans la banlieue parisienne au Vert-Galant. Monsieur Perrin était coutelier dans le 18e. Lui était résistant de la première heure. Son activité était d'être agent de liaison. Et lui a eu l'information que se préparait quelque chose de très grave contre les Juifs. Et il avait déjà chez lui deux garçons juifs. Mais il avait une épouse et deux enfants, une fille et un garçon, mais son épouse, elle n'était pas du tout résistante. Et les enfants juifs et la petite juive qui allait arriver la faisaient, il faut bien le dire, carrément chier. Elle avait déjà ses deux enfants, son mari, son pavillon, son jardin à s'occuper. S'occuper des enfants des autres, c'était vraiment beaucoup lui demander. Ce qui fait que dans la journée, quand son mari n'était pas là, elle nous battait. Et je ne pouvais pas joindre ma mère, qui n'avait pas le téléphone, lui écrire. Ma mère lisait pas le français. Elle parlait que le yiddish. Je n'en pouvais plus d'être là. Et puis, un jour, comme tous les soirs, M. Perrin rentre chez lui. Qui je vois? Ma maman. J'ai cru m'évanouir. Monsieur Perrin était venu la chercher chez nous, avec la présence de quelqu'un qui traduisait, pour dire à ma mère, enlevez votre étoile de votre manteau, prenez votre sac à main et rien d'autre. Vous prenez mon bras, nous partons. Ma mère n'a pas arrêté de le raconter tellement elle s'en souvenait, elle ne voulait pas qu'on oublie. Et elle voulait témoigner. Et vous êtes, à partir de maintenant, ma cousine sourde et muette. Si on vous parle ou si on vous tape sur l'épaule, vous faites ah, et j'expliquerai que vous êtes muette. Et donc, voilà, il l'a emmenée. Donc, ma mère a passé 6 jours chez monsieur et madame Perrin, du 12 au 18 juillet. Et madame Perrin, qui me battait, a été d'une courtoisie remarquable avec ma maman. Alors certes, elle risquait de se faire arrêter si elle dénonçait la présence de ma mère chez elle. Mais c'est pas pour ça. C'est, je veux raconter ça pour dire que les pires personnes peuvent être les meilleures. Et nous l'avons su après, au moment de la rafle des 16 et 17 juillet, mon père est parti par le 5e convoi, direct à Auschwitz. Et donc les 16 et 17 juillet, mon père était déjà à Auschwitz. À partir de l'été 42, c'est l'émotion qui l'emporte et ses gestes d'entraide vont se développer. Jacques Semelin. D'ailleurs, avant de vous voir, j'ai regardé le dictionnaire des justes et j'ai trouvé beaucoup de cas qui se passent au moment de la rafle du Vel'd'Hiv ou juste après la rafle du Vel'd'Hiv pour récupérer les enfants. Donc c'est vraiment là un marqueur mémoriel, non pas seulement de l'horreur de l'arrestation et de la déportation, mais ça pourrait être aussi un marqueur mémoriel de l'entraide, ce qui n'est pas dans les consciences. Il y a des Parisiens qui ont été des concierges, des passants, planquez-vous, bon. Et puis l'attitude diverse, on va dire, des policiers et des commissaires, puisque la rafle est organisée par arrondissement. Donc vous allez avoir des commissaires qui vont faire même parfois preuve de zèle pour arrêter les gens, et d'autres qui vont traîner les pieds. Par exemple, on ne leur demande pas de défoncer les portes des appartements. Donc ils peuvent aller à 4 heures du matin, puisque c'est 4 heures, 5 heures du matin, frapper une fois à la porte, comme ça. Et puis, si personne ne répond, bah voilà, ils s'en vont. En revanche, il y a d'autres cas où des policiers vont défoncer la porte. Il y a même un cas connu où la maman, malheureusement, s'est jetée par la fenêtre et s'est suicidée. Donc il y a des cas absolument tragiques comme ça. Mais ça veut dire que le personnel de police a quand même une marge de manœuvre. Et ça se joue aussi dans l'émotion que ces gardiens de la paix ont pu ressentir en arrêtant ces gens. Vous avez des cas où des femmes se mettent à pleurer. Malheureusement, les moyens d'enquête sont très limités, mais il y a des cas comme ça qui sont documentés. Et vous avez des réponses de policiers qui disent « Bon, ben, écoutez, préparez vos affaires et on reviendra. » Vous pensez bien que finalement la personne va fuir. Et ça joue au cours des 2 jours, puisque la majorité, l'écrasante majorité des gens est arrêtée la première journée. Et dans la deuxième journée, il y aura beaucoup moins de gens qui vont être pris. Parce qu'on a des indices aussi comme quoi les policiers sont beaucoup moins motivés pour faire ce sale boulot. Mais à partir du moment où les gens sont rassemblés à des points en groupe avant d'aller au Vel'd'Hiv, ça devient beaucoup plus dur parce qu'il faut tenir le groupe. Ce sont des gendarmes qui s'en occupent. Et donc à ce moment-là, il y a beaucoup plus de fermeté. Et après, quand on les retrouve au Vel'd'Hiv, vous avez des cas exceptionnels, c'est plutôt des jeunes d'ailleurs, souvent c'est les jeunes qui sont actifs, vont réussir quelquefois à sortir de l'enceinte du Vel'd'Hiv qui est pourtant hyper contrôlée. Mais ça, ils ne peuvent faire parce qu'ils ont des complicités, parce que en fait, tel ou tel gardien ou telle personne est absolument scandalisée par ce qui est en train de se passer. Donc finalement, ce sont ces différents facteurs qui vont expliquer le fait que cette rafle n'atteint pas l'objectif qui est fixé de concert entre les autorités SS et Bousquet qui est en première ligne. Quand on est rentré à la maison, Françoise Mandelbaum, on a eu affaire à notre concierge, monsieur Pralon, qui lui aussi était un homme remarquable, et qui m'a fait traduire à ma mère Tu dis à ta mère que j'ai été gazée en 14. Moi vivant, les Boches n'entreront pas ici. Et tu dis à ta mère qu'elle remplisse son logement. On pouvait pas parler d'appartement parce qu'il n'y avait pas l'eau, même si le fait qu'il n'y ait pas l'eau soit très banal. Et tu lui dis qu'elle remplisse votre logement d'autant de femmes juives qu'il pourra contenir, mais pas d'enfants, pas parce que je les aime pas, mais parce que vous risquez de faire du bruit et de nous faire remarquer et de nous faire arrêter. Donc je l'ai traduit à ma maman qui m'a immédiatement envoyé chercher Madame Vierge-Bas, dont les enfants étaient partis en Belgique et qu'il l'avait laissée là. Et elle avait du mal à partir tout de suite parce qu'elle voulait savoir ce que deviendraient ces verres en cristal dans la cave. Et puis, je suis allée chercher au 71 rue des Amandiers, à côté de chez nous, Madame Bormann, qui avait déjà caché ses deux garçons et sa plus jeune fille, et qui est venue avec les deux aînés, Jacqueline et Odette. Et maman est partie chercher la cinquième, Madame Chmelnicki, mais qui n'est pas venue tout de suite parce qu'elle venait de trouver une famille d'accueil pour son bébé de 3 mois. Donc elle est venue le lendemain. Tu es la seule que j'adore. Si vous avez un antisémitisme présent dans la société française, ce peut être un antisémitisme d'exclusion. C'est pas nécessairement un antisémitisme de persécution. Olivier Viviorca, historien de la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue, le port de l'étoile jaune en zone nord a véritablement constitué un choc. Donc vous avez sans doute toute une partie de la population française qui pense que oui, il y a trop de juifs, il y a trop de juifs médecins, il y a trop de juifs ci, il y a trop de juifs ça, mais qui ne sont pas prêts à ce qu'ils soient marqués comme du bétail, et qui sont encore moins prêts à ce qu'ils soient déportés. Vous avez également un antiracisme, des motifs également chrétiens qui jouent, l'idée qu'il faut aider son prochain, que la persécution est quelque chose d'abominable, et tout cela bout à bout fait que toute une partie de la population française va effectivement s'employer à aider les juifs. Je dis toute une partie de la population française, c'est un mouvement qui est autonome, spontané, ce qui veut dire aussi que la résistance organisée, qu'elle fût extérieure ou intérieure, ne s'est absolument pas mobilisée dans ce sauvetage. C'est véritablement des initiatives parsemées qui ont facilité ce sauvetage des juifs, avec quand même un élément aussi, c'est que les juifs eux-mêmes y participent. Parce qu'on a tendance, au fond, à infantiliser les juifs et à en faire des individus passifs dont la survie ne dépendrait que de l'extérieur. Mais ce sont eux aussi qui souvent ont pris leur destin en main, qui ont déployé un certain nombre de stratégies et donc qui sont aussi, à bien des égards, les premiers responsables de leur survie. Mais la France, c'était aussi les Français. Et toutes les recherches qu'on a menées ont montré que les Français n'ont pas eu du tout le même comportement que leur État. Serge Klarsfeld, historien, président de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Les Français, au contraire, ont aidé les Juifs à partir du moment où ils ont vu qu'on arrêtait des femmes, des enfants, des vieillards, c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas aller travailler à l'Est, et que le sort de ces gens serait certainement un sort tout à fait funeste. Et les Français l'ont compris immédiatement et ont immédiatement protesté. Et ils ont protesté, ils ont été les seuls en Europe à l'époque, en 42, à protester à la base, mais protester aussi avec les élites spirituelles, c'est-à-dire les églises catholiques, l'église réformée, les lettres pastorales, les lettres aussi du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. Il y a eu une telle pression que Laval a utilisé les arguments que Mgr Gerlier, le primat des Gaules, avait fournis au préfet régional à Lyon, c'est-à-dire que l'arrestation et la livraison des Juifs causaient à Vichy beaucoup de problèmes et que l'opposition, c'était l'Église catholique. C'est ce que Laval a dit aux Allemands, qui à ce moment-là demandaient un train par jour, au lieu de 3 trains par semaine, c'est-à-dire 50 000 Juifs de plus. Et Vichy aurait pu les fournir, mais Vichy a compris à ce moment-là, Laval a compris qu'il se heurtait à une opposition et que c'était mauvais pour lui de continuer à mener des rafles sur un rythme encore plus intense. Donc il a refusé le programme des Allemands à ce moment-là. Et le rythme des arrestations a baissé. Il y a eu 43 convois en 6 mois de 1942. Et pour toute l'année 1943, il y a eu 17 convois et 16 convois en 1944. Ma mère et moi sommes passés au travers des mailles du filet où ont été pris ma tante préférée et mes deux cousins adorés. Françoise Mandelbaum. Nous étions 300 000 juifs. En France, 76 000 ont été déportés. Dans les trois quarts qui restent, un grand nombre a pu quitter la France. Et les autres, si on est encore là, c'est parce qu'il a bien fallu que des Français nous aident à survivre. Ce type de petits gestes, ce que j'appelle la réactivité sociale, hein, c'est pas de la résistance. C'est une forme de vigilance pour l'entraide. Eh bien, la France reste un cas singulier de ce point de vue-là, probablement parce qu'il y a eu la zone libre. Jacques Semelin. Vous savez, quand on parle de 75% de Juifs qui ont survécu en France, c'est pas un nombre, mais ça reste une abstraction. Et j'estime que au moins 200 000, je dis entre 200 et 220 000, pour pas me faire attaquer, Juifs sont toujours en France en 1944. Ben où ils sont? Eh ben ils sont, pour l'essentiel, arrivés dans la zone libre, devenue après zone sud. Et c'est donc dans ce contexte-là que des réflexes sont certainement développés d'entraide, de gestes spontanés. Mais il y a aussi une certaine familiarité qui s'est faite avec des Juifs qui sont partis dès 40 ou 41 en zone sud. Ils vont se retrouver dans des villages. Alors, il peut y avoir des réflexes de rejet parce que c'est les étrangers, etc. Donc voilà, la xénophobie, ça existe. Mais en même temps, on a beaucoup de cas où dans cette période, eh bien, ils commencent à cohabiter avec la population locale. Et il y a des liens qui se créent. Et ça, vous pouvez le retrouver dans des exemples très célèbres comme le Chambon-sur-Lignon, ou vous pouvez le retrouver dans un autre lieu que j'aime bien aussi, de Dieulefit, dans la Drôme. Mais il y a plusieurs cas comme ça. Je connais une Américaine qui travaille sur les Basses-Pyrénées qui le remarque. C'est-à-dire que les relations de voisinage, d'entraide qui peuvent exister avant la rafle vont avoir un rôle particulier pour le développement de la solidarité. Donc on n'est plus simplement dans une réaction spontanée, des petits gestes comme j'ai mis en avant, mais on est dans quelque chose qui a pu déjà se construire dans les deux ans qui ont précédé, puisque on estime qu'un Français sur trois a quitté son domicile entre 1940 et 1944. Vous vous rendez compte? C'est absolument gigantesque. Bah, les Juifs, ils font la même chose. Et le premier réflexe, c'est quand même d'aller vers le sud. Jacques Semelin, lui, il insiste sur ses 75%. Il y a d'autres historiens qui disent, mais oui, mais en fait, il y a quand même 25% qui ont été déportés. Julien Blanc, historien spécialiste de la résistance en France. Moi, je suis frappé quand même dans les témoignages du nombre de gens qui disent qu'ils ont continué à habiter chez eux, par exemple, jusqu'à la fin, y compris dans Paris, hein, jusqu'en 44, jusqu'à la libération. Comment ils font? Ben, en fait, ils font. Et ils font pas tout seuls. Alors, est-ce que si on dit ça, on enjolive les choses et on gomme Non, parce que je pense que ça, ça cohabite avec le contraire. C'est-à-dire qu'il y a de l'antisémitisme qui, dans la société française, il y en a avant la guerre, et elle flambe, évidemment, enfin, ces sentiments-là flambent au moment de l'occupation, ça, ça fait aucun doute. Mais il y a aussi, en France, une autre tradition, qui est une tradition républicaine, entre autres portée par des instituteurs, des directeurs d'école. Il y a une tradition d'humanisme chrétien aussi, qui protège, qui cache. Et les deux vont pas l'un sans l'autre. Je crois que ça cohabite. Il y a plusieurs Frances, quoi. Et il y a aussi cette France du soutien, de l'assistance, de la solidarité. Et cette France-là, elle s'exprime. Alors elle s'étend et elle s'exprime de plus en plus fortement. Ich blick auf dir, mein Teiere, ich schwinge nicht. Merci à Rachel Yedinak, Françoise Mandelbaum, Jacques Semelin, Olivier Viviorca, Serge Klarsfeld et à Julien Blanc. Merci aussi à Karen Taïeb et Lior Smadja du Mémorial de la Shoah. Maman a passé le reste de la guerre jusqu'à la libération. Avec ses 5 femmes, mais pas jusqu'à la libération, parce que Madame Chmelnicki, le 6 juin, le jour du débarquement, comme nous avions gardé la radio que mes parents avaient payée sou par sou, elles ont écouté. Et les filles, Jacqueline et Odette, entendaient le français, donc elles ont traduit à maman et à Madame Chmelnicki, qui elles non plus parlaient pas français, que ça y est, les Américains avaient débarqué. Madame Chmelnicki, ni une ni deux, prend son sac, et ma mère lui dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, lui dit, mais on est libre, ils sont arrivés. Moi, je vais faire un tour, hein, j'en ai marre d'être cachée. Et ma mère lui dit, mais tu descends, tu vas te faire arrêter. Madame Chmelnicki lui dit, mais je vais quand même pas descendre avec mon étoile. Donc elle est descendue sans son étoile. Ma mère lui a dit, tu feras 20 pas, tu seras arrêtée. Alors on a su, parce qu'elle est revenue, 15 jours avant papa, qu'elle avait fait 10 pas. Et qu'une main s'était posée sur son épaule. Elle l'avait arrêtée, direct Drancy, Auschwitz. Et par miracle, alors que les derniers passaient immédiatement dans les chambres à gaz, par miracle, elle est revenue, elle nous a raconté. La rafle du Vel'Liv, les gestes qui les ont sauvés. Mixage Antoine Viossa, attaché d'émission Marivonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisé par Séverine Cassard. Doch bleibt mir heilig der Moment, wenn ich ob sich mit dir beken. Ein Blick auf dir, ich schwinge nicht, mein.